C'est sûr que je lui parlerai de Matt Pokora et de Patrick Fiori qui sont dans le jury. Hein. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Club de Bruges, Eupen et Westerlo-Moucron. Et dimanche, dès 14h, Genk, Anderlecht et Lokeren Standard. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Sophie, ça va? C'est bon la confiture materne sur les doigts? C'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? C'est encore meilleur. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Bon après-midi, il est juste 16h sur Vivacité. Place à l'info, bonjour Justine Hermans. Bonjour à tous, les Belges tiennent bon face aux Brésiliens en Coupe des Vices en tennis, match en double en ce moment, et c'est un set partout, Christine Anquet. Oui, c'est très bien ce qu'il fait le duo belge. La logique aurait pourtant voulu sans doute que les Belges se fassent écraser par les Brésiliens aujourd'hui dans le double, parce que les deux Brésiliens font partie des meilleurs joueurs de double de la planète. Eh bien pas du tout, les Belges résistent, ils font même mieux maintenant puisque le score est effectivement de 1-7 partout. Les Brésiliens ont réussi un break d'entrée de match, ils ont empoché la première manche 6-3, mais depuis ils n'arrivent plus à faire la différence et les Belges étonnent. Ruben Bemelmans, oui, mais surtout peut-être Joris Delors. On dit surtout lui parce qu'il joue là le tout premier match de Coupe Davis de sa carrière. Bemelmans et Delors ont remporté la deuxième manche au tie-break 7-6 donc, et le score dans le deuxième set est de 4 jeux à 3 en faveur de 4 jeux partout à l'instant entre les deux équipes. Merci Christine Anquet pour ces précisions. Et aux Jeux Paralympiques de Rio, une 10e médaille belge, une médaille d'or. Elle vient tout juste d'être remportée par Peter Gunnane sur le 400 mètres en chaise. C'est son 2e titre à ces Jeux de Rio, ces Jeux Paralympiques. Il avait déjà remporté l'or sur le 100 mètres. Et au menu sportif, il y a aussi du football. Aujourd'hui, 4 matchs en Pro League. D'abord à 18h, Bruges reçoit Eupen. À 20h, Moucron se déplace à Westerlo et Westland Beveren à Saint-Tron. Un peu plus tard, à 20h30, Zultowaregem accueille Courtrai. Dans le reste de l'actualité, un homme s'est suicidé au commissariat de Waterloo la nuit dernière. Il se trouvait dans une cellule. Il avait été interpellé pour des faits liés à un état d'ivresse. Il a utilisé des fibres de la couverture mise à sa disposition pour se confectionner une corde. L'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale, mais la thèse du suicide ne fait aucun doute. C'est ce qu'a précisé le procureur du roi du Brabant wallon. Du péqué, du folklore, des concerts et un peu de discours politique aussi. Voilà ce qui vous attend si vous allez aux fêtes de Wallonie aujourd'hui. Des animations ont lieu un peu partout, à Liège, à la Louvière, à Mons et surtout à Namur. Là-bas ce soir, vous pourrez aller applaudir notamment Charcot et Aaron. Et le péqué, n'oubliez pas, c'est avec modération, bien sûr. RTBF Mobile Info avec David Gautroy, et il y a un accident sur la Nationale 90. Oui, effectivement, à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre, le passage est difficile vers Namur, et puis on signale encore quelques ralentissements dans Bruxelles, dans le tunnel Georges-Henri vers Montgomery. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, c'est Grandeur Nature sur Vivacité. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Grandeur nature sur Vivacité. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est ensemble jusque 18h. Et alors, vous savez quoi? Pendant ces deux heures, l'équipe de la Franco-Odyssée a décidé de poser ses valises en région d'Auvergne. Alors, ça se situe au cœur de la France, vous le savez peut-être. Et le célèbre guide touristique Lonely Planet parle d'un joyeux méconnu et dit même qu'il fait partie des 10 lieux à découvrir dans le monde. Alors ici, on va découvrir plein de choses. C'est un lieu plein de nature. Ce sera l'occasion de découvrir ça avec vous, justement, grandeur nature. Il y a beaucoup de volcans aussi. On ira découvrir le fameux parc à volcans Vulcania. C'est également un paradis, hein, des randonneurs, activités de pleine nature aussi, comme le VTT, le parapente, le rafting. Au niveau du patrimoine, ben vous serez servi avec des villes d'art et d'histoire, des villages pittoresques qui sont même classés parmi les plus beaux de France. On découvrira aussi des églises d'art roman. Et alors pour ceux évidemment qui aiment les produits du terroir, ben là ils ne seront pas en reste. On a des fromages AOP, appellation d'origine protégée. On a aussi ben, des viandes, hein, parmi les plus célèbres, parmi les plus délicieuses, comme notamment les viandes de Charolais. Et puis il y a aussi les fameuses eaux minérales d'Auvergne, comme l'eau de Volvic ou encore Vichy Célestin. Alors l'Auvergne, c'est 4 départements, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et aussi le Puy de Dôme. Nous, on va se concentrer principalement sur le Puy de Dôme. Quand je dis on, ben oui, c'est parce que cette émission, ben, je ne la fais pas tout seul. Vous connaissez le principe, on a à chaque fois un ambassadeur avec nous. Et aujourd'hui, ben, on ne va plus vous le présenter, on le voit dans 8-9, dans le Grand Cactus aussi, qui va bientôt recommencer sur la 2. C'est notre célèbre David Jeanmotte. Comment ça va, David? Je suis vraiment enchanté d'être ici avec vous parce que j'ai l'impression de retourner donc chez les scouts. Je suis en pleine nature et j'ai mis mon petit chapeau, justement, pour vivre cette aventure comme un Indiana Jones. Ouais, vous pouvez voir, hein, les photos de David sur la page Facebook de l'émission Grandeur Nature. Il est là, il est en complet, parfait costume, ses baskets, son short. Civil scout. Voilà, c'est un scout un peu remanié. Alors, ça fait rêver si on est en pleine nature. J'adore vraiment. Mère Nature est là, je la sens, elle est présente. Et donc, eh bien, on va essayer de découvrir tout ça ensemble, tout simplement. Alors, je parlais du 8-9 sur la Une TV, sur Vivacité, oui, aussi. Bien sûr. On parlait du Grand Cactus. Et puis, il y a une nouveauté qui vous concerne, David. Oui, j'ai ouvert mon université. Donc, ça a commencé donc, le 5 septembre. Je suis super heureux. On a des élèves. Et donc, voilà quoi. Donc, on va remettre des nouveaux chroniqueurs en conseil en images, comme des nouveaux relookers sur le marché. Voilà. On peut notamment retrouver Julie Vanache, une de vos professeurs. Bien sûr. Donc, Julie va donner cours donc en médias, parce qu'on va axer donc, au niveau médias. Et bien sûr, donc, Christelle Martin donc, qui va être la conseillère en images et David Jeanmotte bien sûr qui va donner ses cours de relooking. Voilà, et en attendant, ben nous c'est la Franco-Odyssée en Auvergne. Alors cette première heure, on va visiter les volcans, je vous en parlais, également faire du chien de traîneau. Et oui, ça fait rêver, c'est pas forcément dans la neige qu'on peut pratiquer ce sport. On découvrira aussi le Saint-Nectaire. Alors vous savez ce que c'est le Saint-Nectaire, David? Je pense que c'est un fromage. Oui, ce n'est pas un vin comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, parce que tout à l'heure je pensais que c'était un vin, mais là maintenant c'est certifié, c'est un fromage. Oui, un fromage donc AOP. C'est l'appellation d'origine protégée. Ce sera d'ici 17h. Tout de suite, on va se rendre au centre Pessade qui propose des activités de pleine nature haute en couleur. Mais avant ça, un petit peu de musique avec les frérots de la Vega et le cœur éléphant. Nous, on a le cœur éléphant, gros comme un éléphant ici. Oh, il n'y a pas que le cœur, hein, qui est gros. On verra sur les photos. J'ai mon petit ventre aussi qui est gros. Allez, on y va, tout de suite. Je pars en voyage, mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément.

Coldplay avec Viva la Vida sur Vivacité. Ben nous, évidemment, on profite de la vie. On est en Auvergne. Alors, je vous l'avais promis, hein, c'est une région pleine nature. Et on se trouve avec Benjamin au centre, justement, Pessade pleine nature. Vous en êtes le responsable. Quand on arrive ici, ben, ça fait rêver des arbres, petit bruit des oiseaux. Et puis aussi, ces grandes toiles d'araignées, si on peut dire. C'est quoi? Ça permet de faire quoi ici? Alors, ces grandes toiles d'araignées, nous, on l'a appelé l'acrophone. Alors, l'acrophone, qu'est-ce que c'est? C'est des plateformes en filet, des passerelles en filet. On évolue en liberté, pas de ligne de vie, pas de baudrier. On peut courir, on peut sauter, on peut tomber, on se fait jamais mal. C'est vraiment un esprit de liberté. Oui, c'est vrai qu'on le voit, hein, y a les filets. C'est vrai que quand nous, on pense vite à acrobranche. Et donc, comme vous le disiez, cette ligne de vie avec son baudrier. Finalement, il y a quand même une petite sensation de peur. Ici, c'est quand même assez bien fait, puisqu'il y a des parcours pour les plus petits et puis aussi pour les plus grands. C'est liberté, fun. C'est exactement ça, en fait. On se rend compte que les gens, dès qu'ils montent dedans, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils ont la banane, ils sourient, ils rigolent. Et qu'il y en a vraiment pour toute la famille. On démarre à 3 ans l'activité et on a des grands-parents qui accompagnent les petits-enfants dans les filets sans souci, donc c'est vraiment pour tout le monde. Alors vous, en tant que responsable et aussi accompagnateur, vous regardez un peu faire, vous donnez des conseils, vous donnez des astuces pour avoir le plus de fun possible. Ça se passe comment au quotidien, votre travail? Alors au quotidien, nous on donne accès aux filets à la demi-journée, donc on a 4 heures pour s'éclater vraiment dans les filets, le matin ou l'après-midi. Et puis ensuite dans les filets, on a des cages de foot, on a des paniers de basket, on peut courir, on peut sauter, on a des toboggans. On a aussi des salles calmes avec une super vue sur la chaîne des Puys, sur les volcans. Où là, on va laisser tomber un petit peu le côté fun. Une fois qu'on est bien fatigué, on va se reposer dans les filets comme dans un hamac et on repart pour un tour. Ouais, c'est multisport, c'est ça qui est chouette. Et regardez, oh, enfin non, vous pouvez pas le voir, mais on peut l'entendre. C'est David Jeanmotte. Alors, je viens de faire un petit parcours. C'est très cardio quand même, hein, parce que ça pompe de l'énergie, mais c'est très sécurisé, très ludique. Je n'ai pas fait le toboggan parce que j'ai eu peur quand même, parce qu'on est quand même à au moins 5-6 mètres de haut là. Exactement, on évolue entre 5 et 9 mètres de hauteur. Ah ben voilà, donc ceux qui ont le vertige, n'ayez pas peur parce qu'on n'a pas cette sensation, parce qu'on a vraiment un fil à double fil en dessous de nous. On a l'impression d'être dans une toile d'araignée, de garage, vous savez, le voile comme ça, avec les petits tunnels où elle se cache. C'est vraiment cette impression-là, mais à taille humaine. Et ah ben donc voilà. C'est parfait, je vous le conseille les filles. Ben oui, on le disait, c'est grande toile d'araignée, c'est acrophone. Alors Benjamin, c'est ouvert tout le temps, toutes les saisons aussi? Ouais, c'est ça qui est bien avec l'acrophone. Donc là, c'est une toute nouvelle activité, on l'a démarré au mois de mai, mais on va pouvoir l'ouvrir tout au long de l'année, même en hiver, quand il y aura de la neige, parce qu'à Pessade, on fait aussi du ski, des chiens de traîneau en hiver, et on va ouvrir l'acrophone aussi pendant qu'il y aura de la neige. Voilà, une station complète au final, on peut dire ça comme ça. Et est-ce que, dernière petite question, Benjamin, est-ce qu'à un moment vous allez repenser encore, créer de nouvelles choses peut-être, en se disant, ben voilà, ça a bien fonctionné, mais est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose de nouveau? Vous avez plein d'imagination, on le voit, vous parlez des goals de foot, c'est multisport au final. Ouais, tout à fait, c'est ça qui est bien avec l'acrophone, c'est qu'on va pouvoir rajouter des modules, rajouter des plateformes, des passerelles, des toboggans. Donc on va se laisser un petit peu le temps pour que les idées émergent et puis qu'on fasse évoluer l'acrophone un peu ça. Bien, vous savez quoi, moi je vais vous laisser le temps d'une petite page de pub et puis on va aller s'éclater, David. Mais évidemment, déjà là, je suis déjà prêt pour la suite. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Vivacité. Wallonie en fête oblige. L'avenir va joser, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être binoche ou content, hein? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir est au contenu. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vive à Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus? Poisson. Je l'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier, hein. Ah bon? Ouais, mais on était vendredi, et vendredi c'est le jour du poisson.

pas mal de sports de plein air, la randonnée, le ski de fond, les raquettes l'hiver, le VTT, le e-bike, les VTT assistance électrique, qui ont trouvé une place assez naturelle chez nous, puisque le relief ne permet pas à tout le monde, quand on n'est pas très aguerri, de pratiquer notamment le VTT ou le cyclisme en Auvergne. Je dirais que notre région se prête à une belle progressivité. On a le secteur de la chaîne des Puits qui est très collinéen, qui est un territoire volcanique avec des paysages et une identité très forte, mais qui est à la fois très doux. On a un relief qui est collinéen, herbeux jusqu'au sommet des volcans, pour une première initiation et une entrée en matière dans la montagne auvergnate. Ça me semble la bonne porte d'entrée. On est quasiment à 1000 mètres, on est un peu même à plus de 1000 mètres d'altitude ici, 1172 évidemment pour nous en Belgique. C'est quoi? C'est ça qui fait la force de l'Auvergne, c'est que ça permet de pratiquer des sports de montagne autant en été qu'en hiver aussi? Alors effectivement, le secteur de la chaîne des Puits est un petit peu plus bas que le massif du Sancy, hein, puisque le sommet du Puy de Dôme culmine à 1460 mètres, ce qui correspond finalement au bas de la station du Mont d'Or dans le massif du Sancy. La chaîne des Puits est quand même beaucoup plus douce d'un point de vue météo que le massif du Sancy, qui peut être un petit peu tourmenté. Hein. La crête du Sancy est quand même à 1800 mètres d'altitude. Comme on a très peu de contreforts montagneux et la météo nous vient de l'ouest, il arrive qu'on ait des conditions qui soient assez difficiles, qu'on peut comparer assez facilement à des 2000-2005 dans les Alpes. Moi, je voulais poser une question pour des personnes qui sont un peu comme moi, en surcharge pondérale, ou des personnes peut-être à mobilité réduite. Est-ce qu'il y a justement des parcours exprès pour eux par rapport à ça? Alors là-dessus, on pourra aussi s'appuyer sur le passif thermal du massif du Sancy, et qui est lié aussi à la géologie des volcans d'Auvergne. Le massif du Sancy a accueilli pendant des décennies énormément de curistes. Il y a un tas de circuits qui étaient en l'occurrence prévus pour les curistes, qui sont tout à fait adaptables aujourd'hui à ce type d'activité. Hein. Des balades thermales, on signalera surtout de bon nombre d'activités qui commencent à être assistées. Je mentionnais tout à l'heure le e-bike, oui. les VTT à assistance électrique, là, qui vraiment en moyenne montagne et en montagne trouvent tout à fait leur place, puisque permettent à tout le monde d'absorber les reliefs et de traverser des paysages sans se couper les jambes. Au niveau des tenues, parce que bon, moi je fais partie du relooking et des tenues vestimentaires, là je vois que vous êtes habillé donc simplement, donc sweatshirt, un pantalon, un short un peu baggy. Est-ce qu'il faut avoir quelque chose en partie? Est-ce qu'il faut faire des frais avant de venir en Auvergne au niveau vestimentaire? Alors, d'un point de vue vestimentaire et de l'équipement, pour ce qui est de la pratique des activités de plein air, on a une forte différence d'altitude entre les plaines Clermont-Ferrand qui est à 400 mètres d'altitude, ici le centre de pleine nature de Peussade à 1100 et les crêtes du Sancy à 1800. On a vraiment des régimes météo très variables, très fluctuants, et ces changements peuvent arriver très brutalement. Ah oui. Donc on a coutume de dire que chez nous, il faut jamais trop sortir ni la polaire ni le petit Gore-Tex du sac. Mais avoir les deux. Éventuellement voilà, les deux. Munir. Et voilà, et toujours avoir en tête que, notamment sur les parties de montagne et les parties de crête, que la météo peut tourner assez vite et la température descendre aussi assez rapidement. En tout cas, vous avez un super teint. Si David vous le dit, c'est... Et il n'est pas maquillé comme moi, là il a vraiment un beau teint, donc venez en Auvergne, les amis. En tout cas, ce qu'on retient évidemment, mais c'est que c'est abordable pour tous, il y en a pour tous les goûts, un peu des circuits mais voilà, qui peuvent être difficiles en montagne pour les personnes aguerries, vous le disiez, aussi pour celles qui ont plus envie de se balader et découvrir un peu à travers cette belle nature. On continue notre petit tour de l'Auvergne, mais avant ça, petit détour par un titre qui a cartonné il y a quelques années. C'était en 2012. David Guetta et Sia avec Titanium. Ils s'étaient reformés il n'y a pas longtemps avec Bang My Head. Mais là, c'est Titanium. We'll be right back. skier de bon cœur? Hôtel, ski pass, matériel, check, c'est parti! Ou aller skier le cœur léger? Assurance, check, c'est parti! Lâchez-vous, Neckermann s'occupe de tout. Hôtel, ski pass, matériel et assurance. Réservez maintenant vos vacances au sport d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Le Soir présente le magazine Passion Voiture spécial SUV. Petit, compact, grand ou prestigieux, zoom détaillé sur tous les SUV, mais aussi le point sur les prototypes et l'évolution du marché. Ce samedi 17 septembre, Passion Voiture spécial SUV. Un magazine de 92 pages, gratuit avec Le Soir. Demandez-le à votre libraire. Dis chérie, ouais, c'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là? Ah je sais, oui, mais la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival International du Film Francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kilos de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10 euros et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air? Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Hyundai, c'est Automézer. Hyundai Automézer. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai Automézer, 542 Chaussée de Louvain, proximité Mézer. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. Alors le chien de traîneau en hiver, ben j'imagine que ça vous dit quelque chose. Maintenant c'est un peu moins connu en été, au printemps, durant les autres saisons. Julien, vous êtes musher, comportementaliste canin, mais musher depuis 5 ans. Ça fonctionne comment? C'est vrai qu'on imagine un peu en hiver, hein, on se laisse glisser sur un traîneau. Mais si, je sais que vous proposez notamment le cani-quad et la cano-rando, c'est quoi ça exactement? Alors de la cani-rando, c'est une randonnée, hein, donc avec un chien à la ceinture. Donc le chien vous aide à progresser pendant la randonnée, donc vous aide à monter les côtes. Là où c'est un petit peu plus sportif, c'est qu'il faut le retenir aussi dans la descente. Ah oui, parce que sinon j'imagine qu'on le laisse filer, on risque de un peu de trottiner derrière lui. Alors c'est à vous de retenir le chien. Hein. Le chien, lui, il est tout le temps sur on en fait. Hein. Donc voilà, c'est à vous de retenir la puissance du chien. C'est alors moi, une simple question. Quand on part justement avec le chien, est-ce qu'on doit lui prendre sa petite gamelle? Est-ce qu'on doit lui prendre, son dos? Voilà, comment ça se passe pour le nourrir? Non, alors les chiens, on les nourrit pas n'importe comment. Hein. Ouais. C'est des athlètes, hein, donc voilà, ils sont nourris très précisément en fait. Donc nous, on les nourrit le soir. Donc quand on part en randonnée, on trouve toujours des ruisseaux, le lac Servière pour les faire boire en fait ou les faire baigner. Alors on parlait donc de la cani-rando, c'est le côté un peu soft. Et puis il y a le cani-quad, c'est comme justement du chien traîneau sur neige, mais là sur roue. Le kart, c'est un traîneau à roue, effectivement, ouais. Donc c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'au lieu de glisser, ben, on roule en fait. Donc là, par contre, on a un gros attelage de 12-14 chiens devant en fait. Et ça s'apparente vraiment au traîneau en fait. C'est quoi comme race de chien? Il faut, j'imagine, quelque chose, une race qui soit faite pour ça et pour pouvoir ben, évidemment porter l'homme en côte. Alors, c'est des chiens de race nordique. Hein. Alors après, il y a plusieurs races hein, là-dedans. Donc nous, on a essentiellement des huskies et des croisés groenlandais qui sont très adaptés à ce qu'on fait, nous, à notre pratique, en fait. Et au niveau, donc, justement, le husky, parce que bon, c'est une grosse fourrure. Et en été, alors, comment ça se passe? On doit lui mettre un petit quelque chose sur lui ou on doit lui raser un peu les poils pour pas qu'il ait trop chaud? Alors non, oui, en été, faut faire attention aux températures, hein, surtout quand ils font de l'effort en fait. Hein. C'est comme vous, quand vous faites un footing en plein soleil, ça peut être très dangereux. Donc c'est à nous de faire ça, de faire très attention à ce que les chiens ne surchauffent pas. Donc c'est pour ça qu'on fait ça souvent sous bois et très proche en général des ruisseaux où c'est qu'il y a des points d'eau pour pouvoir les faire baigner et surtout les faire refroidir en fait. Alors Julien, dernière question, on dit souvent que le musher a une relation très particulière avec ses animaux, avec ses chiens. chiens, c'est ce que vous ressentez, vous, au jour le jour, vous les accompagnez, vous les nourrissez, vous les entraînez. C'est quoi? C'est une relation qu'on pourrait qualifier de comment? Alors, c'est mes meilleurs collègues de travail. Hein. Donc voilà, après, c'est sûr qu'il y a une complicité entre nous. On se doit de connaître chaque caractère de chacun, ses capacités au travail. Hein, c'est comme nous. Hein. Il y en a des qui travaillent pour deux, il y en a qui ne travaillent pas du tout. Donc c'est à nous de connaître bien tout le monde, bien les caractères de chacun. Quoi. Donc c'est sûr qu'il y a une complicité entre nous assez énorme. Quoi. C'est un peu comme nous, hein, avec David Jeanmotte. Moi, je travaille et puis il y a David qui rigole à côté. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les chiens ont un beau maître. Hein. Les filles, je tiens à vous dire, c'est un beau maître, il aurait pu être sur une scène pour faire du rock. Ah ben voilà, sur ces belles paroles, nous on va se laisser guider par ces chiens. Et donc retenez bien, ce n'est pas le cani-quad comme je l'ai dit, mais le cani-carte. Et on se retrouve un peu plus tard pour la suite de cette Franco-Odyssée en Auvergne. Ce sera juste après le tube de l'été quasiment, hein, d'Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Chaque jour, le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Vivacité, on est en Auvergne pour la Franco-Odyssée. Alors ici, on est au territoire des Chères. Geoffrey, on peut dire que le territoire des Chères, c'est un peu un concentré de l'Auvergne. Pourquoi on dit ça ? Oui, complètement. C'est un concentré de l'Auvergne à deux pas de la ville, en fait, à deux pas de la capitale auvergnate, qui est Clermont-Ferrand. Tout simplement, puisque bah, sur ce territoire, on a des lacs, on a des puits, on a des volcans. On a en plein cœur des volcans d'Auvergne. On a des forêts, on a vraiment tout ce qu'il faut. Toute la nature environnante est présente. Le cadre est naturel et exceptionnel, il faut le dire. C'est vrai qu'on a un terrain de jeu incroyable et on a un patrimoine naturel qui est vraiment très beau et un patrimoine bâti vraiment à découvrir. Oui, c'est vrai que le cadre est vraiment nickel, est vraiment parfait hein, pour ceux qui voilà qui peuvent pas voir, mais je vais vous le décrire. Il y a des canards, il y a des personnes, il y a une espèce de petite plage, on est au bord de l'eau, on entend le coulis de l'eau. David, ça fait rêver d'être ici. Mais moi je trouve déjà les canards formidables, je trouve ici les pédalos, il y a de l'aviron, il y a vraiment une partie nautique qui est très importante et je vais dire le décor est vraiment vallonné et donc il y a des très beaux reliefs. Est-ce que c'est un peu ça le caractère de l'Auvergne hein ? On a l'eau ici, le petit coulis de l'eau et puis après on monte et on a ces volcans, ce côté vallonné. Alors oui, bien sûr, quand on parle de concentré d'Auvergne, là on se trouve face au plus grand lac naturel d'Auvergne, le lac d'Eda. À deux pas, vous avez des puits, vous avez les anciens volcans qu'il y a quelques milliers d'années étaient encore actifs. Et puis vous avez la forêt qui borde le lac, vous avez le lac Servière qui n'est pas loin, vous avez la forêt, vous avez la montagne, tout est à proximité. Et c'est ce qui fait vraiment l'Auvergne, c'est ce cadre naturel authentique. Alors David, ici, c'est un peu l'été indien. Hein. On est le 17 septembre, c'est le samedi, il y a pas mal de gens. Ça vous plairait un petit coin comme ça en Belgique où on peut aller flâner, regarder l'eau, écouter les canards? On a un petit clin d'œil quand même par rapport au barrage de l'odeur hein, chez nous. Donc on a vraiment ce côté-là. Et je suis super impressionné par rapport aux gens qui sont en plein milieu et qui sont en train de faire une brasse. Et donc, je ne sais pas... Crawl plutôt. Oui, un crawl, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a combien en profondeur? Alors au profondeur, au plus profond, il me semble qu'il y a une quinzaine de mètres. Ah quand même. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu au barrage de l'odeur, c'est magnifique. On va se retrouver, on va aller visiter, ben vous le connaissez sûrement, hein, ce village Geoffrey, c'est Saint-Saturnin, un village médiéval, ça fait aussi la fierté de l'Auvergne. Oui, bien sûr. Alors c'est un village médiéval, c'est un des plus beaux villages de la région, il y en a d'autres. Élu plus beau village de France ? Alors, plus beau village médiéval, en tout cas, peut-être, sur la région. Non, je plaisante, il y a beaucoup de villages qui valent le coup en Auvergne, mais c'est un des plus beaux villages de la région. Eh bien voilà, ben on va y aller avec le son de Black M et Sur ma route, sur Vivacité. À tout à l'heure, les amis. Seul, on meurt sur seul. Ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure. fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Pour ma route, oui, il y a eu du move, oui. De l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Vous l'avez promis, hein, nous voici dans un village incontournable de la région d'Auvergne, Saint-Saturnin, village médiéval connu un peu pour ses églises romanes notamment, vraiment pittoresque, élu l'un des plus beaux villages de France. Avec moi, Patricia, pourquoi vous êtes là? Parce que vous tenez, on peut dire quoi, le café du coin? C'est quoi le bistrot d'ici? C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, c'est notre établissement, ça fait un an qu'on a ouvert, et c'est le bistrot d'ici, parce qu'on voulait que ça soit un bistrot pour tout le monde, pour les gens d'ici, et les gens d'ailleurs aussi. Voilà, les gens d'ailleurs comme nous, on se balade et on peut tomber sur votre bistrot. Alors ça fait seulement un an? Mais déjà pas mal de gens qui viennent, c'est un peu le centre névralgique du village. Bon, on a l'impression que ça correspond un petit peu à une attente. On fait pas mal de choses de soirée et c'est vrai que les gens aiment bien se retrouver chez nous. Vous dites nous parce que vous n'êtes pas seul. Il y a votre mari Bertrand qui est aussi là avec nous. Alors Bertrand, chez nous en Belgique, on n'a pas vraiment de terme pour qualifier ce que vous faites parce que vous faites un peu tout. C'est un café où on peut y manger, on peut acheter la gazette, on peut acheter son tabac. C'est quoi? On appelle ça un tabac du coup, un peu comme à l'ancienne? Oui, c'est un peu ça en fait. Dans les petits villages comme chez nous, il faut un petit peu tout faire pour déjà financièrement s'en sortir et puis pour intéresser les gens. Donc on fait déjà bistrot, on fait tabac, journaux et on fait brasserie les midis, donc des repas du jour la semaine et puis des repas plus élaborés le week-end. Et on fait aussi des soirées à thème, donc soit des soirées musicales, soit des soirées culturelles. Et également, on a une petite salle d'exposition où chaque mois, on change de peintre ou de photographe et qui expose pendant un mois ses œuvres. Également, on est annexe de l'office de tourisme, puisque l'office de tourisme n'est pas ouvert toute l'année. Donc, quand il est fermé, c'est nous qui le remplaçons. Prenez le relais. Et on donne les infos aux gens. On a un site internet, on a un PC, on a la Wi-Fi, donc on peut vraiment aider les touristes. Et on a aussi beaucoup de touristes belges. Voilà, beaucoup de touristes belges, les gens de passage. Alors Patricia, on parle du village Saint-Saturnin, parlez-nous un peu de ce village. Alors là, ici, on est vraiment sur la place. Et quoi, ça joue à la pétanque le midi? Oh, non, on s'imagine un peu le petit village pittoresque, hein, parce que c'est un peu ça qui nous fait rêver aussi. Bah effectivement, il y a des gens qui jouent à la pétanque. Et puis, on a la mairie, là, juste à côté. On a aussi la salle des fêtes qui est là. Donc c'est vraiment le centre du village. Et...

C'est sûr que je lui parlerai de Matt Pokora et de Patrick Fiori qui sont dans le jury. Hein. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. L'enquête judiciaire est désormais bouclée en ce qui concerne la catastrophe ferroviaire de Beusingen. 600 parties civiles attendent depuis 6 ans. Les fêtes de Wallonie à Namur mettent la Suède à l'honneur car de nombreux Namurois ont de la famille parfois lointaine dans la région d'Uppsala. Et puis en sport, de nouvelles médailles belges aux Paralympiques. On fera le point aussi sur Belgique-Brésil en tennis en Coupe Davis. On s'informe avec vous, Natacha Stragier. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On commence avec ces deux nouvelles médailles pour la Belgique aux Jeux Paralympiques de Rio. Marieke Vervoort a remporté le bronze sur 100 mètres en fauteuil roulant, juste après que Peter Gunnein ait enlevé l'or sur le 400 mètres, ce qui porte à 11 en tout le nombre de médailles décrochées par la Belgique sur ces Jeux. On en parlera en détail avec Lise Burion en fin de journal. On fera le point aussi sur la Coupe Davis, le match Belgique-Brésil. Les fêtes de Wallonie et le discours du ministre président dans Wallon d'ici une demi-heure. Ce matin, c'est le vice-président et bourgmestre de Namur qui a célébré ses 30 ans, les 30 ans de la ville en tant que capitale de la Wallonie. Il a évoqué entre autres la réputation internationale de Namur en tant que leader en matière d'enseignement supérieur, de développement technologique, d'innovation et de services. Et cette année, c'est la Suède qui est l'invitée d'honneur des fêtes de Wallonie. Une délégation suédoise est présente pour rappeler les liens étroits qui existent entre Namur et la région d'Uppsala. Une ville située au nord de Stockholm. Au XVIe siècle, des Wallons y avaient émigré pour travailler dans la métallurgie. Et le lien historique entre les deux entités, c'est aussi une certaine Blanche de Namur. Et on ne parle pas uniquement de bière. Jean-Claude Ennemi. Si je vous dis Blanche de Namur, monsieur, vous pensez à quoi ? Mais la bière. La bière, tiens. Est-ce que ça évoque aussi autre chose ? Pour moi, non. L'histoire. L'ancienne comtesse de Namur. La comtesse Blanche, née en 1320, Blanche de Namur, qui allait épouser le roi de Suède 15 ans plus tard, devenir reine de Suède et de Norvège, et inspirer une chanson populaire bien connue des Suédois, invitée d'honneur des fêtes de Wallonie. Rida, rida, ranka, hesten heter Blanka. Mais le lien entre la Wallonie et la Suède, c'est aussi de nombreux Wallons partis vivre en Suède pour y développer l'industrie métallurgique depuis le XVIIe siècle. Annette Stavnow, membre de la délégation suédoise aux fêtes de Wallonie. Il y avait beaucoup de Wallons qui sont venus en Suède pour commencer un travail là. Et ils ont apporté une histoire très bonne, très forte pour la Suède. Il y a beaucoup de personnes en Suède maintenant qui ont de la famille qui vient de la Wallonie. On estime entre 100 000 et 250 000 le nombre de descendants wallons vivant aujourd'hui en Suède, un lien que les organisateurs des fêtes de Wallonie voulaient rappeler, François Cornet. Pour la province de Uppsala, ça représente vraiment une grosse part de son héritage, l'héritage qui était laissé par les wallons au niveau des métallurgies et de la fabrique de fer. Et la harpe à clé que vous entendez serait aussi un héritage wallon importé en Suède. L'enquête judiciaire sur la catastrophe ferroviaire qui a fait 19 morts et 162 blessés le 15 février 2015 à Beusingen est désormais terminée. Dès que l'interrogatoire du conducteur de train survivant sera ajouté au dossier, il sera transmis au parquet. On fait le point avec Dominique Delal. Le dossier est adressé au parquet de Halle-Vilvoorde. Il est épais de plusieurs dizaines de milliers de pages avec de nombreuses pièces traduites. La majorité des victimes est francophone. Le procès va se tenir à Halle-Vilvoorde. En néerlandais, un procès qui pourrait s'ouvrir au début de l'année prochaine. Un éventuel appel du jugement en première instance devrait alors rapidement être organisé. Le délai de prescription court sur 10 ans. Qui sera poursuivi ? Il faut rappeler qu'en septembre 2014, le conducteur survivant, la SNCB et Infrabel ont été inculpés à la suite d'une expertise des causes de la collision. N'y a-t-il pas eu un manquement dans les mesures de sécurité vis-à-vis des voyageurs ? Le conducteur est-il irréprochable? Un doute subsiste à la suite de l'analyse de la conduite et de celle de la signalisation. Plus de 600 personnes en lien avec la tragédie ont porté plainte. La collision a impliqué un train en provenance de Louvain en direction de Hal et un second venant de Quiévrain. En France, de nouvelles arrestations en lien avec le terrorisme. Deux hommes soupçonnés d'être liés à Rachid Kassim, un djihadiste appartenant au groupe terroriste État islamique, ont été arrêtés à Dole et à Roanne. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le départ signalé en mai 2015 de cet homme en zone irako-syrienne. Ils les soupçonnent d'avoir eu des contacts via la messagerie cryptée Telegram. Hier, deux personnes avaient été interpellées chez nous. Elles utilisaient également cette application. La France sous tension puisqu'il y a quelques minutes une alerte a été donnée dans le premier arrondissement à Paris. On évoquait une opération antiterroriste, une fausse alerte finalement. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans sept villes allemandes pour dénoncer le projet de traité de libre-échange transatlantique. Un texte soutenu par Angela Merkel mais toujours de plus en plus décrié en Europe. Les organisateurs des manifestations, une trentaine d'ONG, de syndicats et de partis politiques espéraient mobiliser en tout plus de 250 000 personnes aujourd'hui en Allemagne contre le TTIP. La santé, ça n'a pas de prix. Cette expression courante est pourtant souvent loin de la réalité. Car faire des tests d'allergie, consulter un spécialiste, cela coûte cher et cela freine parfois les personnes moins aisées à pousser la porte d'un médecin traitant. À Colfontaine, dans le Hainaut, la commune organise un salon de la santé où tout est gratuit. 3000 personnes étaient attendues aujourd'hui. Le reportage de Vinciane Vautron. Émile vient de terminer un test d'allergie et il est négatif. Une bonne nouvelle. J'adore les animaux et je voulais être sûre que je peux accueillir des animaux et pas avoir d'allergie aux acariens, par exemple, aux chiens, aux chats, parce que j'adore ça. Le succès est au rendez-vous de cette 11e édition du salon Capital Santé, car ici, l'accès aux soins est entièrement gratuit. C'est certain, c'est que ça coûte cher. C'est quand je vois tous les tests qu'il faut faire, et quand on vit seul comme moi, c'est cher quand même. Je trouve que c'est une bonne initiative. 12 tests sont proposés au public. Cela va de la vue à la détection du sida, des maladies des reins, en passant par le cholestérol ou le diabète. Parmi les 310 bénévoles, 200 sont des professionnels de la santé. Le docteur Tran est cardiologue. Grâce à ses examens, il a déjà pu détecter des malades qui s'ignorent. Mais il insiste aussi sur la prévention des facteurs de risque, notamment dans le Hainaut. La région de Mons-Borinage est entre guillemets une région relativement défavorisée, avec des patients qui ont énormément de facteurs de risque cardiovasculaire et essentiellement le diabète, l'obésité, la sédentarité et le tabagisme. Au terme de leur visite, les patients reçoivent un carnet de santé et sont invités à se rendre chez leur médecin généraliste. Et on va passer au sport tout de suite avec vous ce soir, Lise Burion. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Et on va partir tout de suite à Ostende. Et oui, pour y retrouver Christine Anquet qui suit pour nous le duel entre la Belgique et le Brésil en Coupe Davis. Alors on est samedi, jour de double et les Belges font mieux que résister face à une paire brésilienne qui tutoie pourtant le sommet du classement mondial. Alors on fait le point en direct avec vous Christine. Oui, et la Belgique est devant au score, et cela pour la première fois depuis le début de ce match. C'est 2-7 partout, et la Belgique mène 2-1 dans la cinquième manche, avec un break d'avance. On n'aurait pas du tout envisagé un tel scénario. D'ailleurs, on n'a pas envisagé un tel scénario, et tant mieux, parce que du coup, on est très heureusement surpris. C'est 2-7 partout, effectivement, entre la Belgique et le Brésil, dans ce double entre Bemelmans et Delors d'un côté. Melo et Soares, soit les 3e et 5e joueurs du monde en double de l'autre côté. On pensait très sincèrement que la Belgique se ferait manger toute crue cet après-midi, alors que Bemelmans, dans une forme moyenne depuis quelques mois, est pas du tout en confiance, et que Yoris Delors, qui est jeune et sans expérience, puisqu'il joue son premier match de Coupe Davis, que ces deux-là, qui n'avaient évolué ensemble qu'une seule fois auparavant, se débrouillent aussi bien. Oui, c'est une grosse surprise, mais ils sont sereins et jouent très très bien. Ils négocient bien les moments les plus importants, sauf le dernier jeu du troisième set qui leur a coûté cher. Le Brésil a gagné le premier 7-6, 3. Les Belges étaient un petit peu timorés en tout début de rencontre. Ils ont cédé leur service et n'ont jamais pu refaire leur retard. La Belgique a gagné le deuxième 7-7-6, 6-4 ensuite pour les Brésiliens, puis 6-4 pour les Belges. Les Belges qui mènent 2-1 dans la cinquième et dernière manche, qui sont au service et qui mènent 40-0. Alors si les Belges gagnent ce double cet après-midi, la Belgique assure dès aujourd'hui son maintien dans le groupe mondial de Coupe Davis pour 2017. Le groupe mondial, on vous le rappelle, il réunit les 16 meilleures nations du monde. Vivaland. Merci Christine, on vous retrouve évidemment à 18h pour la suite de ce duel palpitant. Et maintenant Lise, vous nous emmenez à Rio, la Belgique n'en finit plus de gagner des médailles aux Jeux Paralympiques. Et oui, coup sur coup, une 10e et puis une 11e médaille belge cet après-midi, les deux au stade d'athlétisme. Peter Keunen a tout d'abord remporté le 400 mètres en fauteuil roulant et puis Marik Vervoort a pris le bronze sur 100 mètres, les deux athlètes déjà médaillés plus tôt dans la semaine sur d'autres distances. Le bilan belge s'élève donc aujourd'hui à 5 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. L'objectif initial de 8 médailles est largement dépassé, tout comme le total d'il y a 4 ans aux Jeux Paralympiques de Londres où les Belges avaient remporté 7 médailles. Ces Jeux Paralympiques de Rio qui touchent tout doucement à leur fin puisque demain ce sera le dernier jour de compétition. En football, la suite de la 7e journée après le partage entre Charleroi et Maligny hier 0-0. Il y a 4 rencontres au programme ce soir. Le leader Zulte Waregem accueillera Courtrai à 20h30. Mais avant cela, il y a aussi les matchs des mal classés à 20h. Les 4 dernières équipes du classement. Saint-Tron-Westland-Beveren, 14e contre 13e. Et aussi Westerlo-Moucron, dernier contre avant-dernier. La première de Jacky Matthijssen comme entraîneur de Westerlo. Et en face, un Glenn de Boek au costume peut-être bientôt rangé, plié, licencié. L'entraîneur Moukrona joue sans doute son poste ce soir dans ce match entre très mal classés. Mais la première rencontre de la journée, eh bien, elle commence dans moins d'une heure. Le club de Bruges reçoit Eupen et les deux équipes, eh bien, ont un bilan quasiment similaire. 7 points, 2 victoires, 3 défaites et un partage jusqu'ici. Elles se différencient à la différence de but, justement. Bruges a été secoué en Champions League cette semaine. Premier match de poule et lourde défaite face à Leicester, alors qu'Eupen, de son côté, a battu Ostend la semaine dernière en championnat et aborde donc ce match plutôt sereinement. Mamadou Sylla, attaquant sénégalais de Eupen. On est en pleine confiance maintenant, mais le match contre Ostend, c'est au match passé. On doit penser à Bruges et faire le même travail ou plus. On va essayer d'amener quelque chose de là-bas. Bruges qui ne va pas très fort, on l'a vu en Champions League, en championnat. C'est une équipe qui doute. C'est peut-être le bon moment pour Eupen d'aller là-bas? Oui, c'est un bon moment pour aller et pour faire les choses qu'on a l'habitude de faire. Mais sinon, on peut aussi dire qu'on peut payer les plats cassés des matchs antérieurs. C'est pour cela que je te dis, mais on doit rester concentré et pas commettre d'erreurs. Et surtout jouer notre jeu sans complexe, et je pense que si on reste concentré et on ne commet pas beaucoup d'erreurs, on peut faire quelque chose de bon là-bas. Interview signée Pierre Capard et soirée foot évidemment sur Vivacité dès 18h avec ce match Bruges-Eupen. En Formule 1, Nico Rosberg poursuit sur sa lancée. Le vainqueur des deux derniers Grands Prix partira demain en pole position du Grand Prix de Singapour. C'est la 29e pole position de l'Allemand dans sa carrière. Il devance l'Australien Ricciardo et Hamilton, le Britannique leader du championnat du monde. Enfin en cyclisme, Björg Lambrecht est devenu vice-champion d'Europe des moins de 23 ans cet après-midi à Plumelec en Bretagne. Deuxième, le Belge pour quelques centimètres à peine, alors qu'il pensait bien avoir remporté le sprint. Commentaire, il est très déçu. Lambrecht, il a déclaré n'avoir pas gagné l'argent, mais bien perdu l'or. Et demain, eh bien, ce sont les coureurs professionnels qui disputeront cette course des championnats d'Europe en Bretagne. Merci Lise, c'est la fin de ce journal. Adrien Demey, c'est plutôt calme sur les routes. Tout à fait, situation bien tranquille en ce samedi après-midi. Cela étant dit, on a tout de même un objet encombrant sur le 411 entre Bruxelles et Namur à hauteur de Otigny au kilomètre 24.6. C'est une pelle qui encombre la voie centrale à hauteur d'Otigny, donc c'est en direction de Namur. Et puis quelques ralentissements dans certains tunnels bruxellois, c'est le cas dans le tunnel Georges-Henri vers Montgomery et vers la Cambre. Et puis sur la petite ceinture également, cela ralentit entre le tunnel Arlois et le tunnel Porte de Namur, c'est en direction du midi. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci pour ces informations. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la Francodyssée. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never taught you many things that I should. Their words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I'm never tired. pain in your eyes, the chance in your heart. Gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. The pain in your eyes, the chains in your heart. Gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. C'était le groupe Broken Back sur Vivacité avec le titre Happiest Men on Earth. Ben nous, on est peut-être les hommes les plus heureux sur Terre aujourd'hui. On se balade en Auvergne. Alors durant cette deuxième heure, on est ensemble jusque 18h. On ira notamment visiter Clermont-Ferrand. On ne peut pas passer à côté. On ira voir aussi le parc Vulcania ainsi que l'aventure Michelin. Bref, que du bon. Mais en attendant, je sais pas si vous l'entendez, il y a un petit bruit derrière moi. On est dans une fromagerie avec Jean Valère. Et oui, Jean Valère, c'est votre prénom ? C'est mon prénom, bonjour à tous. Bonjour, et ici on fabrique le Saint-Nectaire. Alors le Saint-Nectaire, c'est un fromage AOP, comme on dit. Exactement, donc il y a l'AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée, c'est une norme européenne. Et vous en avez une autre en France qui s'appelle l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Alors, ici, vous avez deux races de vaches, on peut le dire comme ça, la Montbéliard et l'Abondance, et ça vous donne ce fromage. Alors, on va revenir un peu sur le principe de production. Comment ça se passe pour faire ces bons fromages qu'on sent ici dans votre fromagerie ? Déjà, écoutez, il faut traire les vaches. Donc, ça se traite 365 jours par an, hein, c'est tous les jours. Et ça se traite matin et soir. Et dans le cahier des charges, dans la consigne de fabrication du Saint-Nectaire, il faut obligatoirement fabriquer de suite après la traite. Ce qui veut dire qu'on va faire deux fabrications par jour. Donc, de suite la traite terminée, nous avons le lait qui tombe dans une cuve. Cette cuve est en inox. Elle a une contenance juste d'environ. À côté. Elle voilà, est énorme. Exactement. Alors elle est énorme, hein, ça fait une grosse baignoire. Hein, on pourrait se baigner à deux. Ah, ça donne envie. Exactement. Ouais, bah là, remarquez, dans le fromage. Il paraît que le lait, remarquez, c'est très bon pour la peau. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, non, en tout cas vous. David Jean-Mode, c'est vrai ça, le lait. Là, je tiens à confirmer que les filles et les garçons, si vous avez des pattes de doigts, vous tapotez simplement sur les pattes de doigts avec du lait et vous allez voir que la ride va directement s'atténuer. C'était le petit conseil beauté de David. On recommence avec Jean Valère. Voilà. Alors, vous parlez de la production du fromage. Donc après, qu'est-ce qu'il va falloir si on veut fabriquer du fromage ? Eh bien, il faudra de la présure. Qu'est-ce que c'est que la présure ? Ça se trouve dans l'estomac du veau. Hein, ça s'appelle la caillette. Et à l'intérieur, c'est de la présure. Ça va servir à quoi ? Eh bien, tout simplement à coaguler le lait. C'est-à-dire que vous passez de l'état liquide du lait à l'état semi-solide. C'est-à-dire comme un aspect de yaourt, comme un aspect de flan. Alors Jean-Valère, on entend ici cette machine à côté de nous qui presse le fromage. C'est quoi ça exactement ? Alors ça, c'est une mouleuse qui sert à remplacer la main de l'homme parce que c'est très contraignant quand on fabrique le fromage. Parce qu'il faut fabriquer uniquement avec l'avant-bras. Et si vous mettez le poids du corps, eh ben, ce qui se passe, c'est que vous allez faire sortir un petit jus blanc. C'est le goût, la saveur du fromage qui s'en va. Donc on a intérêt d'avoir un petit peu de modernisation et cette modernisation permettra de remplacer la main de l'homme. Ça a du bon. Ah, ça, parfois, la machine, ça a du bon de remplacer la main humaine. Alors, on dit souvent que le fromage, mais si le Saint-Nectaire, il a une particularité, j'imagine. Dites-nous un peu, c'est quoi ses caractéristiques ? Et aussi, y a-t-il une différence entre la production, on va dire, estivale et la production hivernale ? Voilà, la production a lieu toute l'année, hein, du mois de janvier au mois de décembre. La production la meilleure, c'est à partir du printemps, dès qu'on a la mise à l'herbe des vaches. Là, vous avez, sur le plan gustatif, vraiment quelque chose d'irremplaçable. Hein. C'est ce qu'on appelle la typicité du fromage. Donc là, c'est extraordinaire. On est à une altitude de 1000 mètres, ce ce qui permet à certaines fleurs de pousser qui sont de qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un fromage qui s'est retrouvé à la table du roi Louis XIV. C'est pour ça que ça a été, il a été très connu. Et donc, il y a toujours ce mythe autour de lui ou pas ? Alors, je vais même vous dire quelque chose. C'est un scoop. Ah, attention. Attention. Pour les auditeurs de l'université. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. C'est-à-dire que le Saint-Nectaire, soi-disant, aurait des vertus aphrodisiaques. Et c'est Henri de Saint-Nectaire, un maréchal de France, qui l'a fait découvrir pour la première fois au roi Soleil, donc le roi Louis XIV. Donc ça existe depuis le XVIIe siècle. Hein. Et avec des vertus aphrodisiaques, on va goûter ça ensemble, grandeur nature. On vous dira hein, par la suite si de fait, ben, c'est vrai que voilà, si on est encore, si on est normaux ou si on a un peu changé d'état d'esprit. J'en rêve encore tout de suite de Gérald de Palmas, c'est sur Vivacité, à tout de suite. Rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique. Les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant Wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. GDO.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence? Rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur GDO.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Bien sûr, pas parler de l'Auvergne sans parler de Clermont-Ferrand, la capitale auvergnate. Alors ici, je me trouve en compagnie de Adeline Lecat, guide conférencière. On est sur la place de la Victoire. C'est un peu la grande place, on pourrait dire la place la plus importante, puisque vous entendez, hein, le coulis de l'eau, c'est une fontaine où on peut voir le pape Urbain II qui a lancé les premières croisades ici à Clermont. Et on a la magnifique cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est vraiment une ville d'art, Clermont-Ferrand. Alors oui, c'est vrai que Clermont-Ferrand, c'est une ville qui est très riche par son histoire, par son patrimoine bâti. On a la chance, là nous sommes sur la place de la Victoire, qui est une des places les plus importantes. Sachant que la plus grande, c'est vraiment la place de Jaude. La place de la Victoire, elle se situe au sommet de ce qu'on appelle la butte, c'est-à-dire le petit mont volcanique sur lequel s'est installée la ville médiévale. Donc là, on est vraiment au cœur du centre historique de Clermont, avec la fontaine dédiée au pape Urbain II et bien sûr la cathédrale gothique Notre-Dame de l'Assomption. Alors Adeline, on va bien sûr pas refaire l'histoire, si on n'a pas assez de temps, mais si vous deviez retracer les années clés, les dates clés qu'a connues la ville de Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand a des origines antiques, il y existait déjà ici une ville gauloise qui est devenue gallo-romaine, bien sûr, à la période gallo-romaine. Mmh. Elle s'appelait à ce moment-là Augusto Nemetum, Achum. Augusto Nemetum, d'accord. Voilà, on va essayer Augusto de retenir. Nemetum. Et puis ensuite, la population s'est installée au sommet du mont au Moyen-Âge, à partir du 5e siècle après Jésus-Christ. Et la ville de Clermont est devenue une ville très importante par la présence des évêques, par la venue du pape Urbain II en 1095, pour le concile de Clermont, qui a donné naissance donc au mouvement des croisades. Et puis il y a une date qui va être très importante, c'est 1630. Mmh. C'est l'unification de Clermont à Montferrand, parce que nous sommes à Clermont-Ferrand, qui est une ville composée de deux villes. Ah oui, d'accord, donc c'est ça, c'est les deux mots ensemble qui forment le mot maintenant. Exactement. Clermont-Ferrand. Voilà, et donc la ville de Clermont-Ferrand a la chance d'avoir deux centres historiques, Clermont et Montferrand. Ce n'est qu'une seule ville. Il n'y a qu'un maire à Clermont-Ferrand, mais il y a des Clermontois. Ah oui, il y a une petite, rivalité, on va dire. Pas une rivalité, on s'entend très bien, mais il y a cette identité-là, différente, et c'est ce qui fait la richesse de la ville, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé ici de l'histoire, de l'architecture, mais il y a aussi, j'imagine, la vie de tous les jours. Il y a des cafés, des restaurants, c'est une ville qui bouge, Clermont. Alors, Clermont, elle a vraiment la particularité d'être une ville qui offre tout ce qu'une grande ville peut offrir, d'un point de vue culturel, avec plein de festivals sur le court-métrage, la musique, les carnets de voyage, etc. Et puis les cafés, les concerts, une scène musicale très riche aussi. Alors la musique, on va y venir, puisque en plus d'être guide conférencière, vous êtes aussi animatrice radio. Il y a David qui est là, qui veut poser une petite question. J'ai envie de poser à Adeline. Elle est super moderne, elle est nature et en même temps elle est très rock'n'roll. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu es aussi belle dans cet aspect super rock, dans ce style rock.

C'était Juliane Peretta avec Miracle sur Vivacité. Ben, on vous l'avait promis, on vous l'avait dit, nous sommes dans l'espace aventure Michelin. Ça fait partie intégrante, évidemment, de l'histoire de Clermont-Ferrand. Avec moi, le responsable Gonzague, responsable de cet espace muséographique. Ça veut dire quoi, ça, un espace muséographique? On est là, on en prend plein la vue. Alors, on en prend plein la vue. C'est effectivement un espace qui est dédié à l'histoire, au présent, à l'avenir, qui s'appelle l'Aventure Michelin. C'est plus qu'un musée. Hein, c'est véritablement une expérience qu'on offre au grand public, où on va parler des origines passionnantes, de l'histoire passionnante de Michelin, du présent, de notre actualité, et puis effectivement de la prospective de l'avenir et de l'innovation. Alors, une histoire qui a commencé avec deux frères, André et Édouard Michelin, au 19e siècle. Pourtant, rien ne présageait vraiment cet intérêt pour le pneu, parce qu'au départ, Michelin, c'était des machines agricoles. Absolument, c'est une entreprise qui fabriquait des machines agricoles, et tout d'un coup, André et Édouard Michelin découvrent une technologie naissante qui s'appelle le pneumatique, avec un système de chambre à air collé sur une jante, et vont s'apercevoir que ce n'est pas performant en termes de résistance à la crevaison, mais en revanche, c'est très confortable. Et ils vont complètement transformer cette technologie, et ils vont inventer le premier pneu démontable qui se répare très rapidement. Un pneu de base sur un vélo. Et puis parce que c'est vrai que nous, dans notre imaginaire, Michelin, c'est la voiture. Ça s'est fait comment, cette transition? Ça s'est fait très rapidement. Le succès du pneu démontable a été immédiat. En 1892, donc un an après l'invention du pneu démontable, on a 20 000 commandes de pneus vélo. Et tout de suite, les frères ont la conviction qu'on peut mettre des pneumatiques sous des voitures qui sont pourtant très lourdes. Et ça s'est vérifié par de nombreuses courses. Finalement, ils ont réussi à montrer au monde entier qu'ils en étaient capables. Alors, je sais que Michelin, c'est trois mots. C'est sécurité, résistance et économie d'énergie. Ça reste encore les trois mots forts ici actuellement? Absolument. Dès le début de l'histoire, les frères Michelin veulent offrir le maximum de sécurité à leurs clients. Ils veulent également leur offrir une longévité pour qu'ils aient une rentabilité sur leurs pneumatiques. Et ils veulent également contribuer à l'économie de carburant et faire des pneus qui, à la fois, sont résistants, mais à la fois, permettent par une baisse, j'allais dire, de la résistance au roulement, de limiter la consommation de carburant et l'émission de dioxyde de carbone. Alors, Gonzague, dans l'histoire de Michelin, il y a eu évidemment l'invention de la Micheline, qui est devenue un terme générique, qui est parti de la marque. Ça s'est exporté, hein, même chez nous, en Belgique. Et on a pu retrouver aussi, ici à Clermont-Ferrand, le tram. Et c'est pas un tram comme on peut voir, avec deux rails. Non, c'est un tram avec un rail, parce que c'est des roues Michelin. Absolument. Ce sont des pneus Michelin qui ont été choisis pour mettre sur le tramway. Effectivement, c'est l'héritage de cette invention incroyable qui est la Micheline, un autorail sur pneumatique. Ça n'existait pas. Les autorails, les trains étaient sur roues en métal, avec les problèmes de confort auditif et de confort physique, tout simplement. Et avec le pneumatique, les frères Michelin ont résolu ces deux problèmes, le confort auditif et les chocs qu'on peut ressentir physiquement. Sur un pneu, on est bien, ça ne produit pas de bruit, ou assez peu, on a cette absorption des chocs qui est remarquable. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, cet espace, il est aussi dédié à l'avenir, c'est super important. L'avenir de Michelin, en deux mots, Gonzague, c'est quoi? Il y a quoi ici? Il y a quantité de choses, finalement. Ici, on montre des prototypes, par exemple, une roue increvable, un pneu increvable qui peut résister à de nombreuses crevaisons avec un procédé tout à fait innovant. On peut voir une roue lunaire également qui a été fabriquée en partenariat avec la NASA. Cette fois-ci, ce n'est plus un pneumatique, mais c'est une roue. Donc, il montre bien aussi l'ouverture que Michelin a vers d'autres possibilités de mobilité, parce que Michelin, c'est la mobilité. C'est la mobilité, oui, parce qu'il y a les cartes, on pourrait en parler des heures. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir voir, évidemment, tout ça grandeur nature. Alors, je suis un peu gêné de vous annoncer ce disque, puisque c'est Le Monde Tourne Mal, alors que Michelin, ça tourne bien, ça roule bien. C'est Axel Red sur Vivacité. Merci beaucoup, Gonzague. Merci à vous. Vous êtes sur Vivacité, c'est toujours la Franco-Odyssée en Auvergne. Auvergne, la région au cœur de la France, mais surtout au cœur des volcans. On se trouve vraiment littéralement entouré de volcans. Ici, Audrey, vous êtes animatrice scientifique spécialisée dans le domaine des volcans. Alors, on peut se demander ici, c'est quoi comme type de volcan ? On en a plusieurs autour de nous. C'est des volcans qui sont encore en activité ? Alors on a à peu près 80 volcans ici dans la chaîne des Puys, rien que dans la chaîne des Puys. Alors la grande question, c'est est-ce qu'ils vont se réveiller un jour ? La réponse est non. Alors, au risque de décevoir plein de monde, les volcans ici sont particuliers. C'est ce qu'on appelle des volcans monogéniques. Mono pour une seule genèse, création. Une seule éruption pour les former. Après cette unique éruption, le volcan se bouche et plus rien ne peut passer par là. Et là, on entend derrière nous, c'est le bruit. Vous avez retranscrit ici le bruit d'un vrai volcan en activité ? Alors exactement, ce sont des bruits notamment qui ont été filmés sur l'Etna, qui est régulièrement en éruption, qui est le plus grand volcan actif d'Europe. Donc on a un mix comme ça de bruits pour faire comme si on avait un vrai volcan ici à Vulcania. Est-ce qu'un autre volcan pourrait venir à surgir et se reformer ? C'est exactement la nuance ici, on n'aura pas le réveil d'un volcan, on aura la naissance d'un nouveau et ça, on ne sait pas quand ce sera. Alors la question aussi que tout le monde se pose, on a un peu appris à l'école, hein, c'est les différents types d'éruptions. Ici, est-ce que ce sont des volcans particuliers qui fonctionnent tous sous le même mode de fonctionnement ou alors est-ce qu'on a certaines subtilités ? Alors on a eu trois grands types de volcans ici dans la chaîne des Puys. La majorité, 80%, ont été ce qu'on appelle des volcans effusifs, c'est-à-dire avec une lave qui sera très liquide, très fluide, des coulées de lave. On a eu des volcans explosifs comme le Puy de Dôme, donc là c'est les panaches de cendres, les nuées ardentes, les volcans parmi les plus dangereux. Et on a eu ce qu'on appelle des mahars. Donc les mahars, c'est la rencontre du magma avec de l'eau souterraine ou en surface qui va faire d'énormes explosions aussi. Alors j'ai une petite question piège pour vous. Moi je suis parti habiter à l'île de la Réunion. Là il y a le piton de la Fournaise. Oh là là, ça se réveille. C'est le piton de la Fournaise. C'est quoi comme type de volcan par rapport au volcan qu'on peut retrouver ici ? Alors c'est un volcan un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un point chaud. On a la remontée de magma fixe au niveau de l'intérieur de la Terre et ce point chaud va venir poinçonner la plaque tectonique en surface qui va bouger. Ça fait un peu comme un chalumeau si vous voulez. Et le piton de la Fournaise aujourd'hui est au-dessus d'un point chaud actif. Donc c'est un volcan bouclier, un volcan qui va faire plutôt des coulées de lave. Alors Audrey, on se demandait tout à l'heure l'étude d'un volcan. Vous êtes toujours en étude, j'imagine que c'est toujours millimétré, vous observez tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prédire dans les années à venir la formation d'un nouveau volcan ? Alors Vulcania travaille conjointement avec notamment le laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand. On a l'observatoire de physique du globe aussi qui est à Clermont. Donc il y a des instruments de mesure dans la région qui mesurent régulièrement ce qui pourrait se passer. Mais d'après les derniers relevés, là vous devriez pouvoir être tranquille dans les années à venir peut-être. Mais on ne sait jamais en fait. On est en sécurité David. Justement Audrey, excuse-moi de te poser la question. Peut-être toi ou le public qui vient ici parce que c'est un endroit merveilleux. Est-ce que les gens ont peur ? Est-ce que tu as peur ? Nous, on n'a pas peur, on attend que ça, voir un volcan ici à Vulcania avec de la lave. Peut-être pas un volcan explosif, mais un volcan effusif avec de la vraie lave. Nous, on serait super contents. C'est une guerrière. C'est une guerrière. Mais vous aussi, David, vous avez votre chapeau d'explorateur. Là. Ça ne vous fait pas plaisir ? Ici, il y a une petite éruption. Là, j'ai l'impression que je suis en train de trembler comme une feuille. Le bruit vous fait peur. Ah non, mais moi, je ne suis pas à mon aise du tout. Hein. Même si c'est une reproduction donc, qui est complètement, artificielle. Mais je suis pas à mon aise du tout. Et en plus, pour les auditeurs qui ne peuvent pas le voir, on est au-dessus d'un grand gouffre. On a vraiment retranscrit ici un volcan à taille humaine. Mais aussi, Audrey, ce qu'il y a ici, c'est Vulcania. On va y aller dans quelques secondes. Donc là, on vous laisse avec Kungs et This Girl. Et on se retrouve dans quelques minutes sur Vivacité. Body. Péridaïsa, les grottes de Han, mais ici en France, en Auvergne, on a Vulcania qui ne connaît pas ce parc. Alors je l'ai présenté comme un parc scientifique, mais c'est plutôt un parc d'exploration ici dédié aux volcans. On est en plein milieu des volcans. David Ebel, vous êtes le directeur d'exploitation de ce parc. Alors pourquoi parc d'exploration justement ? Eh bien, le but, c'est de faire découvrir, de faire vivre une aventure à nos visiteurs. Quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils vivent quelque chose. Il faut qu'on les change de contexte. Il faut qu'ils découvrent des nouveaux paysages, des nouveaux lieux. Et puis également, toute l'interactivité de la Terre et des volcans qui ne s'arrêtent jamais et qui fonctionnent 24 sur 24, finalement. Du coup, on ne va pas parler de visite parce que ce n'est pas comme un musée. Il faut participer. Ça se passe comment une journée type ici à Vulcania? Les jeunes ou même les personnes qui viennent dans ce lieu, ils peuvent faire quoi? Alors en fait, la journée, elle va se rythmer un petit peu, chacun a son rythme en fait, finalement. Chacun peut l'appréhender de différentes façons, à savoir que vous allez avoir des contenus, je dirais, plutôt dynamiques par endroit. Le but, c'est toujours d'apprendre en s'amusant, c'est l'leitmotiv de la maison. Il faut qu'on apprenne des trucs, mais d'un autre côté, il faut qu'on se fasse plaisir. Et c'est pour ça qu'on fonctionne de 7 à 77 ans. Donc on va pouvoir vivre des sensations, des émotions, à travers des films, à travers des sièges dynamiques, à travers tout un tas d'interactivités, mais également on apprend également des choses de façon ludique avec des scientifiques, des sortes de savants fous qu'on a dans nos laboratoires, où vous allez pouvoir revivre des coulées de lave, où vous allez pouvoir faire tout un tas d'expériences. C'est du jeu, mais on en ressort finalement en ayant appris un maximum de choses. De 7 à 77 ans, c'est un peu comme Tintin chez nous, c'est pour tous les âges. Est-ce qu'on est prêt à peut-être subir une nouvelle éruption de volcan? Est-ce qu'on apprend ici comment on pourrait réagir si jamais il y avait une nouvelle éruption? Alors oui, puisqu'effectivement, ça fait partie de l'histoire des volcans. Les volcans naissent, les volcans vivent et puis disparaissent. Donc c'est un petit peu la chaîne chronologique. Et on appréhende d'une certaine manière comment se protéger, comment sentir à un moment donné leur évolution. Il y a des scientifiques qui sont spécialisés là-dedans, avec tout un tas de capteurs. On construit les bâtiments d'une certaine manière également. Celui-ci, d'ailleurs, est aux normes antisismiques. On colle vraiment aux besoins du relief de la région. Donc on apprend toutes ces gestuelles-là à travers, à un moment donné, des gestes simples, se mettre sous une table, éviter de courir au milieu de la rue, s'éloigner des points électriques. C'est des petits gestes tout bêtes, mais qui effectivement ont sauvé un maximum de personnes. Alors David, vous n'allez pas me contredire, les volcans, c'est mystérieux, ça fait un peu rêver, et surtout c'est parfois méconnu, inconnu en tout cas, pour le grand public, parce qu'ici on se trouve dans une espèce de serre, on se croirait dans la forêt tropicale. Comment ça se fait? Parce que c'est finalement ce qui va pousser sur un sol volcanique? Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que là, il y a une histoire sur le volcan, il naît, il va vivre, bien entendu, et les après-éruptions, entre guillemets, permettent de faire naître toute une végétation, puisque les terres sont extrêmement fertiles, et c'est pour ça que, historiquement, on a toujours eu autour des volcans un maximum de cultures, et cet exemple-là, c'est un exemple un petit peu atypique, vous avez de l'enrochement, vous avez du basalte, vous avez des fougères arborescentes, d'origine de Tasmanie, d'ailleurs, vous voyez, comme quoi on voyage aussi à Vulcania, un taux d'hydrométrie qui est maintenu pour coller à un moment donné à leur habitat habituel, mais il faut savoir également que c'est des plantes qui vivent à plus de 1000 mètres d'altitude, donc elles ne sont pas du tout dépaysées chez nous, puisque c'est l'altitude à laquelle nous nous trouvons. Oui, tout à fait, David Jean Motte. Alors, moi je voulais, David... Il a des étoiles dans les yeux, non, David. Mais voilà, moi je suis complètement émerveillé, et je voulais simplement dire qu'on a l'impression d'être dans la serre de Jurassic Park. Un peu, oui, c'est vrai. On a vraiment cette ambiance. Alors il y a le petit coulis de l'eau qui est magnifique. Et donc, ça a été repris sur quoi au niveau de l'architecture? Alors l'architecte a pensé Vulcania, c'est un architecte autrichien qui s'appelait Hans Holein, qui était quelqu'un de génial, et qui a créé Vulcania pour que le bâtiment soit vraiment atypique. On ne pouvait pas faire un bâtiment basique, donc il a fallu faire coller tout ça à cet environnement. Et dans sa logique architecturale, eh bien, il y avait une place pour le dur, pour la pierre, mais également à un moment donné pour la reprise de la vie. Et c'est le clin d'œil de l'architecte à la reprise de la vie après l'éruption. C'est pour ça que là où nous nous trouvons, bah, c'est du basalte pur et dur. Mm-hmm. Vous avez une végétation donc, qui est en perpétuelle évolution. Plusieurs variétés de plantes se trouvent ici. Et c'est vrai qu'on est dans une ambiance tropicale complètement. Vous avez une faille qui traverse cette... Oui, on peut la voir juste à nos pieds. Cet espace-là, qui est une vraie faille, hein, puisque voilà, Vulcania s'est adapté au terrain. C'est une faille qu'on retrouve un peu plus loin sur le site. Donc vous voyez, finalement, on c'est a fait qu'investir un petit peu les lieux, mais la nature, elle reprend ses droits. On le rappelle, hein, merci beaucoup David. Et Vulcania, donc un parc d'exploration où on peut toucher un peu à tout. On se retrouve après ce titre de Passenger, Let Her Go sur Vivacité. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, comme je déteste ce moment, c'est déjà l'heure de se quitter. On a passé deux merveilleuses heures ici en Auvergne avec vous et avec notre ambassadeur, notre guest, le Christina Cordula, comme on vous a appelé ici, David Jeanmotte, ici, le Belge. On m'a appelé la Christina Cordula Belge, oui, en plus des horizons. Mais surtout, j'invite vraiment toutes les personnes qui fassent du sport, que ce soit des familles, que ce soit des écoles, que ce soit des amoureux aussi, que ce soit des personnes plus âgées, de venir vraiment découvrir l'Auvergne, parce qu'il y a tout pour tout le monde, même les photographes, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau musique, tout est présent ici. C'est un îlot, je vais dire, de tout. Oui, on vous sent conquis, vous avez des étoiles dans les yeux. Quand je dis ça, c'est quand j'étais au lac Eda, le lac Eda, donc je me suis dit, il manquait une partie, je vais dire, aquatique, donc ça me l'a offert aussi, et donc, je veux dire, à part des roulements de vagues, il manque la mer, mais sinon, on a tout ici. On a tout, et je trouve ça extraordinaire. Donc le climat, climat parfait, la végétation parfaite, les sentiers et tout ce qu'on a créé justement pour le tourisme, c'est génial. Moi qui suis un peu fort, donc j'ai du mal, je veux dire, à avancer, mais tout est climatisé, l'accueil est complètement chaleureux. Je ne suis pas en train de vendre l'Auvergne, j'explique simplement ce que j'ai vécu en Auvergne. Ce n'est pas la même chose, je ne suis pas un guide touristique, je suis un lambda, je veux dire, comme tout le monde. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir ça. Et je vais revenir, je vais dire, calmement, sans être un globe-trotteur, je vais dire, pour twister de l'un à l'autre lieu. Et donc, je tenais vraiment à remercier donc, tous les interlocuteurs qu'on a eus, parce qu'ils ont été formidables. C'est vrai qu'on a rencontré des belles personnes, des beaux endroits. S'il y a un endroit qui vous a peut-être plus qu'un autre, ou qui vous a en tout cas marqué alors, pendant cette découverte. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la dernière étape ici, donc à Vulcana, mais je trouve ça extraordinaire. J'ai vraiment l'impression de me retrouver sur une partie, je veux dire, sur Mars, ou je veux dire, c'est un côté complètement un peu fou, lunaire, hein. Comme ça, et en même temps avec cette végétation. Et comme les espaces sont très très grands, il n'y a pas de. On ne se sent pas, je veux dire, comme dans une boîte à sardines. On est vraiment libre de voyager, de découvrir les choses. Et donc, tout était beau parce que moi je suis un pacifiste, donc la nature oui, par contre au niveau sportif je suis pas très sportif, donc pour les filles j'ai découvert à Clermont-Ferrand des boutiques extraordinaires, je tiens à vous le signaler parce qu'il y a plein d'artisans, il y a les chaînes donc on connaît, et donc on a une architecture vraiment médiévale, et donc j'aimerais bien aussi dire que voilà, ça m'a pas trop dépaysé de Mons pour son architecture, mais ici on est beaucoup plus grandiose. C'était les derniers petits conseils mode et beauté de David Jeanmode avec votre t-shirt à fleurs d'ailleurs. Voilà, vous étiez complètement d'accord. Voilà, je suis très hawaïen ici, en même temps j'avais mon petit côté Indiana Jones, et donc je vous embrasse et merci à Vivacité, merci d'avoir pu bénéficier de cette expérience. En tout cas moi ça m'a fait plaisir évidemment de partager ce moment avec vous David, mais aussi avec Bernard Blave, hein. Vous le connaissez, notre sorcier du son qui met cette émission un vrai en boîte. Montois, nous étions deux Montois contre un Bruxelles. Ouais, j'ai eu du mal, je peux vous le dire. Demain après-midi vous retrouverez Adrien Jovenot sur Vivacité, ce sera pour le beau vélo de Ravel à Bruxelles, je vous rappelle c'est le dimanche sans voiture, à bientôt les amis sur Viva. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Dans mon magasin de Reusbrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. C'est illégal. Voir conditions en magasin. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13€, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Vilvoorde et Rossin-Genèse. .be. Les souvenirs de vos vacances s'effacent. La pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotions seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4€ l'entrée, gratuite pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Pourquoi il faut toujours être sage? Je suis nul en classe. Je n'ai pas d'amis. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Il n'y a personne qui m'aime. Je peux jamais rien faire. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Vous écoutez Vivacité 18h. Troisième victoire de la Belgique en Coupe Davis en tennis cet après-midi en double face au Brésil. Ces 3-0 sont synonymes du maintien de la Belgique dans le groupe mondial. Les explications dans un instant avec Christine Anquet. Le Péqué, les concerts, les animations envahissent les rues de Namur. Ce sont les fêtes de Wallonie. Paul Magnette, le ministre président wallon, a donné un discours. Il a évoqué Caterpillar, les échos dans ce journal. Demain, pas de voiture dans Bruxelles. À partir de 9h30 du matin, c'est la journée sans voiture dans la capitale. Point d'orgue de la semaine de la mobilité. Pourquoi ne pas prendre alors votre vélo si vous souhaitez y aller? Certains l'utilisent quotidiennement, plusieurs heures par jour pour aller travailler. Reportage en fin de journal. On y va donc pour le journal, présenté par Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Une bonne nouvelle pour le tennis belge. La Belgique a battu le Brésil en Coupe Davis. Elle conserve sa place dans le groupe mondial, soit parmi les 16 meilleures nations du monde, avec un troisième point décroché brillamment par le double belge cet après-midi. Ruben Bemelmans et Yoris Delors ont apporté un point qu'on n'attendait peut-être pas, Christine Anquet. Cela fait très longtemps que le double est considéré comme le point faible de l'équipe belge de Coupe Davis. Cela fait presque aussi longtemps que le capitaine Johan Van Herck espère trouver un double gagnant, le garder et lui permettre d'évoluer et de progresser ensemble. C'est peut-être fait. La Belgique a peut-être trouvé son double de référence après cette victoire inattendue, il faut bien le dire. Victoire de Ruben Bemelmans et Yoris Delors sur les 3e et 5e joueurs du monde, Melo et Soares. Victoire en 5-7, 3-6, 7-6, 4-6, 6-4, 6-4. Un coup de chapeau tout particulier à Yoris.